À la soir, on y va pas. Bon, on y a, c'est devant la commune où elle a, on y a là, on a piqué devant. Bonjour, maïstra. Maïstra, bonjour. Bon, on a piqué vraiment devant, Banque nationale, on y a là, nous, on a bon, on a dit en devant. Bon, masque choc derrière, on a monsieur Bafio qui derrière tout. Mais bon, ça va, on va pointer, on y a là. Bon, ça va, on va pousser devant, on y a là. Bon, on a piqué devant. Bon, ça va, on va parler, on y a là. Dans tout pays, il y a fond de planter vieux bois. Côté de passé, pas nous si mes graines. Prends des rapines, nous prends couteau d'Igo. Qui te voit dans mien pour si mes fraîcheurs. La plante des vieux bois. La baisse si mes graines. La plante des vieux bois. La baisse si mes graines. La plante des vieux bois. La baisse si mes graines. La plante des vieux bois. La baisse si mes graines. Des mosquées. Des monstères, on met en l'air. Des monstères, comment comme ces chats. Tout est baqué en mal et ça me porte. Caillot sauté. Nous débarquons en mal et ça me porte. Caillot sauté. Nous débarquons en mal et ça me porte. Caillot sauté. Est-ce que nous parlons? très bien. Est-ce que Guénin qui perd du ménage au là? Si c'est vrai, nous pas lever dit doit nous aller. M'a compté. 5, 6, 7, 8. Mwen la, se chifre yo a sa. Bon, na pousse vous bi devant. Est-ce que gen femme qui démarque ménage yo la soué a la? Oh oh, avant mesdames yo pas répondre. Rizez. Nous pral avancer sous dame yo la sérieusement. Avancer sous dame non. Avancer sous dame non. Avancez sous dame non. Avancez sous dame non. Bon, nous prenons le collet très très serré sous yo. Collet. Collet sous dame non. Collet. Collet sous dame non. Collet. Collet sous dame non. Collet. Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon. Nous prenons le scier là. Scier, maman, scier. Scier. Scier. Scier, maman, scier. Scier. Scier. Si est maman, si est, si est. Bon, bon, bon, bon, bon, ça va aller, bon, ça va aller, bon, viré, on l'a. Ok. Poco malé, bon, ça, poco malé. Poco malé, bon, ça, poco malé. Poco malé, bon, ça, poco malé. Poco malé, bon, ça, poco malé. M'a pralé. Qu'est-ce m'a pralé? Ma parole c'est que ma kembe. Ma parole c'est que ma kembe. Wa wa wa wa ni ko Charlie na bala. Ma parole c'est que ma kembe. Ta sa ke bon pour là. Ma parole c'est que ma kembe. Marion dit il fallait. Ma parole c'est que ma kembe. Alfred pas s'arrêter. Ma parole c'est que ma kembe. Adrien bralé. Awal vire won. Mapale se ke map kebe. Joël prale. Mapale se ke map kebe. Fanfan pral bay affection. Mapale se ke map kebe. Yvon basa kembe. Mapale.